En ce moment, Claude Vignon entra. Les deux vieux débris des phalanges napoléoniennes se saluèrent gravement en faisant disparaître toute trace d'émotion. « Vous avez dû, mon prince, être content des journaux, » dit le futur maître des requêtes. « J'ai manœuvré de manière à faire croire aux feuilles de l'opposition qu'elles publiaient nos secrets. » « Malheureusement, tout est inutile, » répliqua le ministre, qui regarda le maréchal s'en allant par le salon. « Je viens de dire un dernier adieu qui m'a fait bien du mal. Le maréchal Hulot n'a pas 3 jours à vivre. Je l'ai bien vu d'ailleurs hier. Cet homme, une de ses probités divines, un soldat respecté par les boulets malgré sa bravoure, tenez, là, sur ce fauteuil, a reçu le coup mortel, et de ma main, par un papier. Sonnez et demandez ma voiture. Je vais à Neuilly, » dit-il en serrant les 200 000 francs dans son portefeuille ministériel. Malgré les soins de Lisbeth, 3 jours après, le maréchal Hulot était mort. De tels hommes sont l'honneur des partis qu'ils ont embrassés. Pour les républicains, le maréchal était l'idéal du patriotisme. Aussi se trouvèrent-ils tous à son convoi, qui fut suivi d'une foule immense. L'armée, l'administration, la cour, le peuple, tout le monde vint rendre hommage à cette haute vertu, à cette intacte probité, à cette gloire si pure. N'a pas qui veut le peuple à son convoi. Ces obsèques furent marquées par un de ces témoignages pleins de délicatesse, de bon goût et de cœur, qui, de loin en loin, rappellent les mérites et la gloire de la noblesse française. Derrière le cercueil du maréchal, on vit le vieux marquis de Montauran, le frère de celui qui, dans la levée de boucliers des Chouans en 1799, avait été l'adversaire, et l'adversaire malheureux, de Hulot. Le marquis, en mourant sous les balles des Bleus, avait confié les intérêts de son jeune frère aux soldats de la République, voire les Chouans. Hulot avait si bien accepté le testament verbal du noble qu'il réussit à sauver les biens de ce jeune homme, alors émigré. Ainsi, l'hommage de la vieille noblesse française ne manqua pas aux soldats qui, 9 ans auparavant, avaient vaincu Madame.